Le maréchal Kim Jong-un a envoyé les équipements au studio des dessins animés 26 avril de Corée. La cérémonie de remise des équipements a eu lieu le 11 courant. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés, les cadres, les créateurs, les artistes et autres membres du personnel des studios. Rappelons que Kim Jong-un a pris à maintes reprises des mesures favorables aux bases matérielles et techniques des studios, et cette fois, il a envoyé encore les équipements modernes nécessaires à la production des dessins animés.